Alors, Béatrice Janiot. Alors, je suis de Grenoble. Alors, je suis ni du CEA ni du PMO. Bon, j'étais simplement conseillère régionale verte, enfin à peu près à cette époque. Donc, le débat public sur les nanos, j'y croyais pas du tout. Parce que j'en avais vu avant celui où Pierre-Benoît Joly avait fait un rapport avec la vie minoritaire de la Fondation Science Citoyenne, qui avait été repris en 2005 par Dorothée Benoît Brouvouès, puis Vivagora. De toute façon, ça ne sert à rien. Les décisions sont prises. Les millions, milliards d'euros, ils sont déjà partis. Ils continuent à partir. Et je vois bien que les nanos, c'était une bulle pour avoir un jackpot, avoir de l'argent, aussi bien du côté des sciences dures que des sciences douces, et que les SHS, elles sont dans une grande partie été instrumentalisées justement pour faire passer des pilules. Je vais vous raconter des choses. Quand j'étais au conseil régional, je tirais une sonnette d'alarme et je me souviens d'une fois où une des premières fois où je posais des questions aux représentants d'Alliance, donc le grand truc sur la microélectronique, et il a commencé par me répondre: mais vous inquiétez pas madame, nos puces c'est pas dans les crèmes que vous vous mettez sur le visage. J'ai failli lui sauter à la figure, sous prétexte que j'étais une femme. Alors bon, après, il n'avait même pas écouté toutes les questions pertinentes que j'avais posées. Hein. Mais bon, je me suis battue pendant 6 ans. Ça a eu des résultats, parce que maintenant, le conseil régional de Rhône-Alpes, même si je n'y suis plus, ne donne plus d'argent ni sur les nanos, ce que j'appelle les nanotrucs, ni les nanotechnologies, parce que ça ne rapporte plus avec la taxe professionnelle, ni même sur les nanosciences. Le volet sciences et société est un peu plus mis en avant. Et bon, j'étais pas là en 84, mais des débats sciences et société, il y en a déjà eu. Et je commence à en avoir un peu marre des grands discours et je préfère passer à l'action. Donc j'avais essayé d'arruquiser le schéma régional enseignement sup recherche. Et bon, comme j'étais que conseillère régionale de base, on m'avait pas écouté. Après, on s'est dit on a eu tort. Quand les piqueries sont sorties en Ile-de-France, finalement, ce n'est pas la région Rhône-Alpes les premiers. Et puis, comme il y a quelqu'un des services qui était au Brésil, au Paraná, il y a des choses qui ont été rattrapées avec les projets Université Citoyenne et Solidaire. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, en Rhône-Alpes, l'université pouvait essayer de se rapprocher de la population. Et en lien avec un projet européen, on a monté une association locale, enfin en lien avec la FSC, c'est l'Association pour le développement d'une recherche citoyenne et active, ADRECA, où on remonte une boutique des sciences qui était en fait, qui avait servi de modèle, qui avait existé dans les années 70-80 en France, qui avait disparu, continué en Europe du Nord, parti faire les ARUC au Québec, et qui reviennent, et où l'idée, c'est une boutique non marchande, évidemment, et où on travaille en lien, où on fait une association, ce qu'on appelle une OBNL, vient faire une demande scientifique qui est analysée conjointement avec un référent scientifique et un référent boutique et l'association pour la traduire en termes scientifiques. On voit qui peut éventuellement traiter ça et où c'est les projets de recherche-action sont faits par des étudiants. Parce qu'on sait bien que maintenant, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, ils n'ont plus le temps de faire ça et qui donnent des sujets d'études passionnants des étudiants et on essaye de faire de niveau L1 à M2, voire doctorat, si on arrive à rentrer dans le contrat doctoral. Et ça commence à marcher, même comme on vient en disant on a un projet européen, et ben on est en train de les universités, alors là carrément le vice-président formation, quand on vient lui présenter notre projet, il nous regarde avec un autre œil et on essaye d'avoir une unité d'études transversale interuniversitaire, sachant que l'interuniversitaire à Grenoble, c'est un peu la guerre, où le programme sera ce que les associations viendront nous apporter, ce qu'on dira qu'on pourra traiter. Et après, bon, par contre, ça va être rock'n'roll à la rentrée, parce que suivant les étudiants qui viendront, leur niveau entre L1 et L3, ce n'est pas les mêmes, suivant s'ils viennent de sciences, de biologie, de physique, de SHS, de lettres, etc. Les projets qu'on pourra traiter, les collègues qu'on pourra aller tirer par là. Mais voilà, ça fait 6 ans qu'on rame dessus et qu'on espère que ça va continuer. Mais là, il y a 3-4 projets qui tournent et on se régale avec, quoi. Oui, alors moi, je suis Félix, un militant associatif, donc, hein, Et alors, je me reconnais évidemment dans ce que tu viens de dire, puisque je suis également un des responsables du Forum social local. Par contre, c'est vrai que, comme je ne suis pas un scientifique, je suis désolé, mais je suis un petit peu perdu dans l'explication précédente. Bon, c'est un petit peu des choses intéressantes, mais un petit peu compliquées pour mes connaissances et mes compétences. Simplement, deux choses que je voudrais dire. La première, c'est que c'est vrai que le rapport aux scientifiques est a priori pour nous difficile. Difficile parce que on voit comment ils sont pris dans le maelstrom de leur intérêt de recherche. D'ailleurs, ils ont des subventions parce qu'ils font des recherches. Pour faire la recherche, ils ont besoin de leurs subventions. Donc il y a un truc qui est totalement en dehors de ce que nous, citoyens, pouvons avoir à faire ou à demander. Et donc, c'est difficile pour nous d'avoir confiance dans leur recherche. Bon, la preuve, c'est les OGM, les nanos sur le climat. Moi, on a des discussions. Et donc, là-dessus, on a ce problème. D'effectivement, de savoir la recherche importante, mais en définitive, pour quel type de société et pourquoi faire. Et c'est là où je voulais venir en venir. La deuxième partie, c'est sur ce que vous avez dit par rapport aux nanotechnologies et en particulier par rapport à PMO, à savoir qu'il se trouve qu'il y a eu le film sur les nanotechnologies au festival de Résistance à Foix auquel j'ai assisté ou auquel PMO était présent. Et effectivement, il y a une très grande, de leur part, une très grande violence, d'une certaine manière, oui, c'est vrai, mais en même temps, je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé ici, parce que ça montre que la vision que vous avez, à mon avis, est erronée par rapport à eux. Parce qu'il se trouve que, et je ne suis pas le seul, on fait partie également d'un repère là-bas, si j'y suis. Nous sommes un certain nombre de militants, pas forcément militants d'ailleurs, des gens qui, voyant, on discute de choses et d'autres, et en particulier, on voulait discuter également des nanotechnologies. Et donc, on a fait appel à PMO, qui nous ont dit, mais d'abord, faites un débat avec le film, et ensuite, travaillez vous-même. Bon, donc, on a projeté le film, on a eu un débat, et on a voulu poursuivre le débat sur les nanotechnologies, savoir quels étaient nos rapports par rapport à ça. Et, eh bien, nous, citoyens, on s'est trouvés devant un vide, parce que, d'une part, PMO nous disait, mais faites vous-même le travail de recherche, voyez ce qui se passe en Côte d'Or, et après, nous, on veut bien venir vous voir pour discuter, pour voir un peu avec vous ce qui se passe. On ne veut pas venir chez vous comme des experts et des spécialistes. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait l'image que vous donnez. Et d'un autre côté, pour nous, c'est vrai que au bout d'un moment, on s'est dit, bon, bah alors, allons-y. On a fait une deuxième réunion, une troisième réunion. Et puis, très vite, on s'est aperçu qu'on n'avait pas les moyens, les compétences, ni les moyens d'être en rapport. Et pourtant, il y avait des gens qui étaient également à la fac, qui ont tenté de faire le rapport avec des chercheurs ici pour qu'on ait un dialogue sur les... Eh bien non, ça ne s'est pas pu se faire. Et donc, du coup, nous, citoyens et groupes, on a abandonné un thème pourtant qu'on a voulu mener, un débat qu'on a voulu mener. Comme quoi, ce n'est pas si simple que ça d'avoir le rapport entre nous, pourtant demandeurs, et le monde de la recherche. Et je voulais faire simplement par rapport à PMO un petit, même si je reconnais qu'ils sont d'une certaine manière assez rigides, je crois que quelque part ils ont raison vu ce qui se passe et la façon dont les citoyens sont traités de ce point de vue-là. Oui, moi je suis un ancien scientiste, prof d'université, physicien, le pire que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu ce soir, là, c'est terrible. J'en ai pris plein le dos. Bien. Je suis aussi président d'une association, enfin président de la section Bourgogne-Franche-Comté d'une association qui s'appelle Sauvons le Climat. Et je m'appelle Gérard Pierre. Voilà, je voudrais peut-être intervenir premièrement sur la façon d'évaluer dont vous avez parlé quelques instants tout à l'heure. On a tous eu, je crois, des profs qui nous ont marqués, qui ont même changé souvent l'orientation qu'on voulait prendre parce que, voilà, hein, bah, ça a été mon cas, comme sans doute à vous. Et moi, un des profs dont j'ai le grand souvenir, ça se passait dans les années 69-70, juste après 68, donc des périodes qui étaient encore chaudes, on va dire. Et moi, je rentrais à l'université, j'étais en thèse, et voilà. Et bon, comme j'étais plutôt bon élève, mes copains me disaient, allez, va dire au prof ceci, vous savez, on est toujours comme ça, il fallait pas mettre le dernier de la classe, parce que sinon, c'était pas crédible. Bon, alors, c'était moi qui allais voir ce prof-là, puis en particulier celui-là, parce que il était plutôt de gauche, il était bon, voilà. Mais il dit, tu vas le voir, puis tu lui dis, on veut plus d'examen. On veut plus d'examen, parce que c'était la période, à cette époque-là, bien sûr, hein, on voulait jouir sans contrainte. Et donc, je suis allé voir ce prof. Et il m'a regardé, je lui ai dit, voilà, on ne veut plus d'examen. Il m'a regardé, puis il m'a dit, c'est vous, Pierre, qui me demandez de plus, qu'on fasse plus de sélection? Il m'a dit, mais vous comprenez bien une chose. Si on supprime la sélection intellectuelle, il y en a une autre qui va se remettre en place, et c'est sans doute pas celle que vous voulez. Je peux vous dire que ça m'est resté pour ma vie. Et moi, je suis partisan d'une bonne sélection, bien sûr, il y en a qui peuvent être sauvages, etc., à une absence de sélection. Voilà, c'était simplement pour moduler un peu ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'auto-évaluation par les élèves. Voilà, donc je suis pour ma part assez opposé à cette façon de faire et très traditionnaliste dans ce domaine. Je suis un vieux prof réac. Bon, voilà, comme je suis un scientiste aussi, sans doute. Oui, je suis membre de Sauvons le Climat. Pour ceux qui ne connaissent pas Sauvons le Climat, évidemment, on se bat pour tenter d'éviter le réchauffement climatique. Alors, je crois que le réchauffement climatique, c'est admis finalement par tout le monde, ou presque, mis à part Allègre, Courtillot, enfin bon, qui sont des provocateurs bien connus. Bon, voilà, moi je le ressens comme ça, j'ai assisté à des débats avec eux. Bon, voilà. Bon, alors évidemment, pour avoir bonne presse, comme ça, dans le monde non scientifique, hein, selon le climat, ça devrait, puisque finalement, presque tout le monde est d'accord. Ça a un rapport avec la société, parce qu'évidemment, si le réchauffement climatique arrive, c'est tout le monde qui va en pâtir. Simplement, nous, on dit, pour éviter le réchauffement climatique, il faut éviter de brûler des énergies fossiles. Et donc, on est partisans des énergies décarbonées. Et dans ces énergies décarbonées, je vois Félix qui sourit, parce qu'on a déjà eu de nombreux débats entre nous, il y a évidemment Madame Laverte, le nucléaire, vous avez compris. Je vois. Donc, voilà, moi, si vous voulez, je suis sans doute un scientiste, effectivement, je trouve que... J'essaye d'avoir un raisonnement, j'essaye d'avoir une continuité avec le siècle des Lumières, avec avec un rapport avec la société qui me semble important. Et c'est pas simplement vous, finalement, qui avez le rapport avec la société. Les scientifiques aussi font partie de la société. Figurez-vous que j'ai été extrêmement choqué quant au Grenelle de l'environnement. Il n'y avait aucune société savante qui était présente, ni l'Académie des sciences, ni la Société française de physique. Bon, écoutez, c'est tous des affreux jojo, les académiciens sans doute, mais enfin quand même, ils ont quand même des choses à dire. On peut d'ailleurs les écouter et les contredire. Moi, ça ne me gêne pas. Maintenant, les empêcher de parler, je trouve ça choquant. Voilà ce que je voulais dire. Au Grenelle professionnelle de l'environnement, j'ai souvent dit à ceux qui... Chantal Pacteau, donc je suis chercheure au CNRS, et je suis venue ici en tant que représentante du SNCS, et je suis à Fondation Sciences Citoyennes, et je participe au Forum Social Mondial, au Forum Mondial Sciences et Démocratie. Donc, et depuis 20-30 ans, je suis dans ces affaires de rapports sciences et sociétés. Juste pour le Grenelle, j'en ai parlé avec ceux qui l'ont construit, des choses comme ça, en disant que j'étais très choquée qu'il n'y ait pas eu le groupe des scientifiques. En fait, des scientifiques, il y en avait plein. Mais ils étaient en tant que personne. Oui, ils étaient ad personam, mais ils y étaient. Il y en avait plein. On était à travers des associations, à travers Jean Jouzel était... diriger un des groupes, etc. C'est les gens avec qui je travaille. Donc, et alors moi là, la réponse absolument désarmante qui m'a été faite, c'est que vous devez rester en dehors de ces affaires. Vous êtes pur, etc. Mais je suis pas pur. Je veux avoir aussi. Et il y a une drôle de chose là-dedans. Donc on y était. Je fais partie aussi des associations, des ONG. Pas en tant qu'institution, c'est bien ce que je vous dis. Oui. Mais les chercheurs y étaient, donc ils ont eu leur mot à dire. Mais... Simplement, Gérard, puisque j'en profite, puisque tu es là, puisque tu nous as envoyé un courriel là-dessus, sur le donnant la position, ta position, merci, mais peu importe. Encore faut-il, là je n'ai pas le texte, donc que... Non, parce que je l'ai pas. Encore faut-il vérifier tout ce que tu interprètes comme étant la position des autres. Voilà, parce que là, il y a des erreurs, plus que des erreurs, hein, plus que des erreurs. Voilà. Ben, tout à fait. Mais ça peut être fait sur document. Oui, bien sûr. Non, c'est simplement, moi, je dans cette discussion, moi, je voudrais peut-être ajouter, parce que c'était pas dans ce qu'a dit Lionel. Je pense que la question de la construction de la représentation collective des chercheurs, tu signalais les achoppements depuis 2004. Et du mouvement de SLR. Donc je pense qu'il y a eu des grands mouvements, mais une difficulté à construire une représentation collective des chercheurs, puisque finalement, cette représentation, ça a été une voie, mais elle s'est défaite. La question du rapport entre cette représentation et la politique était compliquée à gérer, ou c'est géré individuellement un peu. Donc ça, c'est... voilà, aujourd'hui, à travers les transformations des politiques de la science, des politiques universitaires, ce qui n'est peut-être pas la même chose, il y a une forme prise dans ces politiques-là, justement, d'atomisation, en tout cas d'éclatement des formes classiques de représentation des universitaires et des chercheurs, ou d'attaque en règle contre ces formes de représentation, qui posent vraiment la question de formes de représentation collective. Parce que justement, moi, c'est une des choses que j'ai voulu dire, dans ces politiques de la science, il y a des tentatives de construire des publics, donc de construire des publics qui sont aussi alternatifs au fait que ça soit les chercheurs qui fassent la science. C'est même une des choses de règles dans les programmes, c'est d'essayer de bien séparer les rôles. La montée des questions d'évaluation, c'est aussi celle-ci. C'est-à-dire que ce n'est pas aux chercheurs de faire les politiques de la science. Il faut, les politiques de la science, on va essayer de construire des dispositifs pour mettre en cause cette image que tu disais là, à travers l'intervention de l'universitaire qui s'identifie à l'université. Mais de fait, ce rôle qui peut encore fonctionner symboliquement pour les universitaires eux-mêmes, de fait, est un rôle qui... et socialement largement déconstruit, et qui a très peu d'effectivité dans la réalité de la construction des politiques. Donc un des problèmes pour retrouver des prises, c'est sans doute de reconstruire des représentations collectives des enseignants et des chercheurs qui est réellement prise sur ce qui se fait. Moi, juste de manière très anecdotique, mais comme mon GIS est basé à la Maison des Sciences à l'Institut des Sciences de l'Homme à Lyon, qui a les messages de sciences sociales, et je participe au comité des directeurs de labos, il y a 18 labos, et aujourd'hui dans ce type d'instance, on ne parle plus jamais de contenu, on ne parle que de l'ABEX, d'Equipex, d'IDEX, on ne parle plus que de stratégie. Donc on peut avoir, dans ces directeurs de labo, il y en a beaucoup qui ont joué des rôles importants. Donc il peut y avoir un discours de critique des politiques mises en œuvre, mais après, individuellement, chaque labo et chaque directeur de labo assume tout, complètement le fait qu'il faut se positionner, il faut obtenir les financements, et donc c'est une politique qui marche. Donc qui marche, c'est-à-dire qui se met en œuvre. Qui se met en œuvre, parce que les discours critiques qui sont produits, en fait, eux ne produisent pas d'appui réel pour bloquer ces politiques ou pour les... Et donc je pense qu'il y a là un problème important à traiter. Alors juste pour que la discussion puisse se faire de façon sereine, si vous estimez qu'à travers mes propos, je vous ai qualifié de réactionnaire, de scientiste, du pire de ce que l'université... Je pense que là, vous mettez la personne que vous avez en face de vous dans une situation qui, je pense qu'il y a une partie de ce que j'ai dit que vous avez peut-être mécompris. Deux, je pense que c'est aussi une façon de me catégoriser pour me dire à quel point je suis légitime dans le débat. Donc il y a toute une série de figures que je connais bien dans le débat public parce que les physiciens du CEA avec qui je discute très régulièrement dans le débat public me sortent à peu près les mêmes fadaises à quel point je caricature la position du scientifique, que je comprends rien à la physique nucléaire, que en gros nous vous nous mettez en position de défenseurs dans une chapelle assiégée et qu'en gros vous êtes des potentiels des ennemis ou des adversaires et qu'en définitive on ne pourra discuter avec vous de rien. Bon, je pense que la question du nucléaire, j'entends bien, mais c'est très gentil, mais j'entends bien. Mais le fait de supposer, derrière mes propos, que je vous ai qualifié, je vous utilise vos mots, réactionnaire, scientiste, etc., c'est que... C'est moi qui me suis qualifié de réactionnaire. D'accord, mais sous-entendu, à travers mes propos, vous estimez que vous êtes. Donc, s'il vous plaît, je connais aussi les ressorts de la discussion au débat public. Il ne faut pas caractériser ce que j'ai dit, que vous qualifiez comme vous voulez, si vous voulez, mais à travers mes propos-là, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Il y avait à travers Claude Allègre et Courtillot, non, ce n'est pas des amuseurs publics. Et là, de votre côté, c'est une méconnaissance absolument totale des rapports de force, des financeurs et des intérêts qu'ils défendent dans le débat public. Je vous confère les travaux de Petit, avec un article à paraître, où il fait un lien mécanique depuis le conflit du tabac, les intrus du tabac dans les années 70, à aujourd'hui le changement climatique. Vous avez des catégories de chercheurs, de scientifiques qui s'expriment dans le débat public en tant que scientifiques, qui se légitiment dans le débat public parce qu'ils sont qui physiciens, qui anciens leaders de je ne sais pas trop quel mouvement ou quel laboratoire, et que leur parole est surlégitimée par rapport à leur figure symbolique qui convoque dans le débat public, alors que la majorité du temps, sur le débat en question, c'est des chèvres. Claude Allègre n'a absolument jamais rien écrit sur la question du changement climatique. Courtillot, jamais rien écrit dans les revues scientifiques. Jamais. Courtillot, ce n'est pas sa discipline. Courtillot, il n'a rien écrit, c'est ma discipline. Courtillot, c'est ma discipline. Il n'a jamais rien écrit sur le changement climatique. Il a écrit sur l'évolution du soleil. Non, non, non, ça n'a rien à voir. Il n'a jamais écrit dans une revue de climatologie. Il n'a jamais écrit quelque chose dans une revue de rang A avec des pairs qui dit « Votre article est publié dans une revue de climatologie ». Il est, d'un point de vue des scientifiques, confère le débat qui a eu lieu à l'Académie des sciences en 2007 entre scientifiques fermés à huis clos. J'y étais. Courtillot était auditeur. Il n'a pas eu le droit de parler. Il était illégitime du point de vue de l'Académie des sciences à s'exprimer sur le sujet. Et les pour et les anti sur changement climatique avec enjeu anthropique ou pas se sont exprimés sur la base de travaux scientifiques reconnus par les pairs. Courtillot était auditeur. Il a eu le droit de fermer sa bouche. J'entends bien, mais quand vous disiez que Courtillot et Claude Allègre sont en gros des épices et phénomènes, pas du tout. Et je vous garantis que sur le débat du créationnisme aux États-Unis, sur le débat du tabac aux États-Unis, sur le débat de l'amiante en France, on a toujours convoqué des scientifiques académiques mandarins, leaders de laboratoire, pour jouer le rôle d'intérêt privé du business, pour essayer ils ont joué sur des ressorts sur lesquels la science est faible. La science, dans le sens de la raison raisonnée et de la raison raisonnable, celle des lumières que vous convoquez, qui n'est pas celle de Claude Allègre, c'est celle du doute permanent. J'entends bien. Mais Claude Allègre ressort dans le débat public le fait que la science doute. Et il s'appuie sur la faiblesse de la méthodologie scientifique pour dire ils ne sont pas certains, la preuve, lisez ce qu'ils ont écrit dans le rapport du GIEC, etc. Ce qu'ils disent, ce n'est pas de la certitude. Moi, j'ai la certitude. Et il convoque, là pour le coup, les mêmes choses que vous avez dites sur la question énergétique, mais eux, c'est sur les OGM. Ils disent en débat public, mais monsieur Larquet ou monsieur je ne sais pas qui, ou madame Martine Aubry, parce que c'est le dernier débat que j'ai fait avec eux, il y avait Martine Aubry, il y avait lui, écoutez, Évidemment qu'on est tous d'accord sur la question des pesticides. Il faut arrêter les pesticides dans les sols. C'est la fin du monde. Même ressort que vous, il faut arrêter, il faut décarboner l'écologie. Mais le ressort à eux à dire, c'est qu'on a une technologie qui va bien. C'est les OGM. Et vous dites, on a une technologie qui va bien pour le décarboner. C'est le nucléaire. Et là, j'estime que de mon point de vue, dans les orientations, dans les choix sociaux, je ne pense pas. Vous vous enfermez dans une vision d'un mur infranchissable. Et monsieur, si vous permettez, je pense que dans le rapport des technologies aux sociétés, il faut quand même essayer d'y voir un petit peu plus loin que la phase dans laquelle on est. Les deux derniers siècles, à chaque fois qu'on a eu, et là c'est le, je crois que c'est Pierre-Henri Gouillon, qui est professeur à la chaire de biologie au Muséum national d'histoire naturelle, qui évidemment ressort la mythologie d'Icare. Il dit, si vous voyez, depuis le Minotaure jusqu'à Icare, il y a une filiation des histoires, à chaque fois qu'on a une merde technique gérée par l'intelligence des hommes, on l'a résolue par une super merde technologique. Qu'on a géré avec les merdes par une gigamerde, qu'on a essayé de gérer par une stratomerde. À la bout du compte, on a Icare qui meurt et le père. Et vous pensez que c'est par rapport aux innovations. Mais vous pensez, est-ce que vous pensez vraiment que les chercheurs épidémiologistes, les gens qui travaillent sur la santé environnementale, qui disent qu'il n'y a eu aucun bénéfice depuis 50 ans par rapport à la recherche en médicaments sur l'allongement de la durée de vie, c'est quand même pas un paramètre qui doit un tout petit peu perturber. Ah mais c'est majeur. À part la pénicilline et les antibiotiques, aujourd'hui, il n'y a aucun paramètre pharmacologique qui permet de dire ça a permis un allongement de la durée de la vie. Et moi, j'estime que par rapport au fait que et les antibiotiques et la pénicilline ont été des découvertes complètement hasardeuses de la mécanique, non pas scientifique, mais des populations, j'estime que là... Mais ça a une implication sur le type de recherche qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, l'argument qui te dit « oui, il y a un allongement de la durée de la vie », ce que je ne conteste pas du tout, mais ce qui a permis d'eux, et qu'on nous dit « mais oui, c'est bien de faire de la recherche en pharmacologie », mais quand je dis « mais monsieur, il n'y a aucune étude scientifique qui nous permet de faire un lien de causalité », et même pas du tout, c'est les modes de vie, l'hygiène, le rapport des habitants à la façon de ce qu'on a de bouffer, etc., qui ont permis l'alimentation. Mais ce n'est pas la pharmacologie. Mais c'est pas la pharmacologie. Mais écoutez, vous voyez bien que si on défile ce sur quoi nous sommes d'accord, l'allongement de la durée de la vie, et que là, pour le coup, ce qui a permis de, sur la base de travaux, parce que je n'ai pas la science infuse, et j'ai envie qu'on me dise, effectivement, la recherche en pharmacologie permet, par rapport à de nouveaux médicaments, d'allonger la durée de la vie. Mais super! Allons-y, j'ai aucun problème, moi. Si on me dit vraiment l'avenir de l'énergie, parce que ça permet de la santé des habitants, etc., c'est le nucléaire, allons-y. Le problème, c'est que ce que je lis et ce que j'observe depuis quelques semaines, c'est que quand même, de gérer un problème technologique qui est celui de la ultra-carbonisation de notre économie par un problème technologique ingérable à l'échelle d'une vie humaine, ingérable à l'échelle d'une civilisation et ingérable à l'échelle de la vie des sociétés qui sont de plusieurs de milliers d'années, je pense que d'un point de vue raisonné, ça doit questionner sur quel type d'investissement, dans quel type de recherche, sur quel type d'hypothèse notre pays doit investir. Typiquement sur les biotechnologies, en France, dans les années 70, on décide, il y a plusieurs hypothèses épistémologiques dans le champ académique. Il y a ceux qui travaillent sur de nouveaux rapports au savoir paysan, sur l'hypothèse d'une agriculture qui allait se définir agriculture biologique, et il y a les biotech. La France, dans sa vision techniciste, dit... Vraiment, les biotech, c'est du business, c'est du marché, c'est un avantage comparatif pour la France. On investit 97% du budget, jusqu'à aujourd'hui, 97% du budget, sur les biotech. Mais Biogé, INRA, une partie du CIRAD, IRD, une partie du CNRS. Tout ce que notre pays a investi en termes d'intelligence collective sur les chercheurs, qui ont bien fait leur boulot, était de dire, pour résoudre la question de la qualité de la production agronomique, l'avenir, c'est les biotech. Il y avait d'autres hypothèses scientifiques qu'on a minorées. Le problème, c'est que dans d'autres pays, ils n'ont pas tout misé sur le même biscuit. Ils ont misé sur une diversité programmatique en disant, on ne sait pas trop. Dans l'état actuel de nos connaissances, biotech, agriculture biologique, intégrée, systémique. Bon, écoutez, vos hypothèses, on mise et on parie. Et dans 20 ou 25 ans, on voit ce qui se développe. Et vous avez des rapports entre les scientifiques et les sociétés qui aujourd'hui produisent mieux, de façon, avec des rendements qui ne sont pas du tout à rougir par rapport au rendement intensif et extensif. Et j'estime que rétrospectivement, on doit, du point de vue français, se questionner sur les choix qui ont été faits dans les années 70 et par rapport à l'impasse dans laquelle notre pays est aujourd'hui. Ça change beaucoup, on est d'accord. Et j'estime que si on fait exactement les mêmes choix massifs, ce qu'on fait sur le nucléaire, en minorant et en arrêtant des filières innovantes sur d'autres hypothèses énergétiques, j'estime que dans 30 ou 40 ans, on aura sur l'hypothèse énergétique en France les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui sur les biotech et quel type d'agriculture on va avoir parce qu'on a mis nos biscuits sur les mêmes chevaux. Et je ne dis pas que le nucléaire doit être arrêté. Je n'en sais foutre rien. Quel sera l'avenir énergétique de mon pays ? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs scientifiques nous disent qu'il y a d'autres hypothèses de recherche qui sont minorées dans les financements. Et là, il est de ma responsabilité citoyenne de dire « Écoutez, vous nous avez foutu dans un mur. » Je pense que ce type de choix-là ne me convient pas. Et je pense que, par simple précaution et éveil politique, la base d'un financement de la recherche devrait être le premier principe, le financement de la diversité épistémologique. C'est la base sur laquelle des habitants et des scientifiques peuvent. Et je ne dis pas que vous avez tort sur le nucléaire. Moi, je pense, en creusant, je pense que c'est un vrai suicide pour notre pays. Mais investissons sur la diversité et voyons dans 25 ans quelles filières on fait et ayons un rapport au temps, à la temporalité scientifique et à l'investissement un peu plus judicieux que de faire les champions nationaux du nucléaire qui aujourd'hui sont des lobbies indépassables au niveau du corps de l'État, des corps des X-Men et d'X-Pont et qui empêchent tout. Les lobbies anti-nucléaires, enfin. Écoutez, ceux qui ont le pouvoir et qui interdisent le débat démocratique, c'est le CEA, c'est les X-Men. Ceux qui font l'illégitimité du débat démocratique, ce n'est pas les antinucléaires, avec lesquels je ne suis pas en accord sur tout. Je suis assez d'accord. Vous êtes en train de dire, qu'il y a une asymétrie dans le débat, monsieur. Il y a une asymétrie. Il y a ceux qui ont les clés du business et ceux qui ne l'ont pas. Qui est pour moi un autre mythe. D'accord. Alors, moi, je voulais intervenir. Donc, je suis Jean Dupraz, retraité, n'est-ce pas, et accessoirement membre d'Oxfam France. Et j'ai participé pour la première fois au Forum mondial sciences et techniques à Dakar. Et c'est pour ça que je suis là ce soir, d'ailleurs. Hein, parce qu'autrement, je ne suis pas sûr que je serais venu. Donc, c'est bien pour montrer que, ayant eu pour vous situer, j'étais conseiller de formation continue avant. Bon, donc, j'étais effectivement dans l'administration éducation nationale et dans la formation continue. Si bien que ce que tu disais, Lionel, par rapport à l'évaluation, j'ai vécu ça ayant été sollicité, j'ai pas eu tellement de choix, par le recteur et j'ai travaillé avec Marie Duru, avec les profs de 5e et les profs de seconde. L'évaluation, ça nous a valu des sacrés moments de débat avec eux pendant 2 ans. Après, ça a été arrêté, hein. On n'a pas capitalisé, comme tu le disais, toutes les expériences et tout ce qu'on avait pu faire. Donc là, c'est vrai que ce savoir-là. J'étais aussi syndicaliste, et syndicaliste en Saône-et-Loire, entre Monceau, le Creusot et Cluny. Hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire, Monceau les mines avec les mines qui ont fermé, le Creusot avec Creusot-Loire qui a fermé également, même si ça a été, il y a eu des départs. Et j'ai vécu avec des syndicalistes, avec des ouvriers. Et moi, j'étais un instruisou, comme ils disaient. Donc, j'ai pu voir aussi, et ça, ce savoir dont tu parles, hein, ces gens qui étaient sortis parfois du CE1, du CE2 ou du CM1, hein, ont été formés par les écoles normales ouvrières, ont pu analyser, faire prévaloir leur point de vue et intervenir, y compris dans les ministères, au moment de la restructuration, au moment des problèmes, etc. Donc ça j'y crois, ça, je le vois possible par rapport à la discussion qu'on a eue pendant, la parade à Dakar. Donc c'est vrai, tu m'as rappelé tous ces éléments et comme quoi ils sont importants. J'ai vécu aussi comme élève de l'école normale, j'ai eu la chance de rencontrer Natanson et Pro. Ça vous dit peut-être rien, c'était des enseignants-chercheurs en pédagogie. Alors, je ne sais pas si vous voyez, un petit gars qui sort d'une petite exploitation de moins de 20 hectares, hein, qui va à l'école normale et qui se retrouve, par le biais du syndicalisme, en train de discuter avenir de l'école et société à ce moment-là. Et c'est encore notre discussion qui me l'a fait revenir en disant, mais oui, mais on y croyait comme jeunes. Mais on pouvait discuter avec eux, mais avec ces chercheurs, ces scientifiques. De la pédagogie, etc., on pouvait confronter nos points de vue. Alors évidemment, hein, c'est comme avec vous. Hein. J'ai appris des tas de choses que je ne comprenais pas. Je ne dis pas que je les comprends toutes. Je comprends un petit peu plus. Hein, un petit peu plus. Le problème, et c'était l'objet de... J'ai pris vraiment des détours pour arriver à ça. C'est comment, dans une association, allez, on est 12, 15 en réunion, nos associations et pour la plupart du monde associatif, hein, sauf par période où on peut monter à 50 et où au cours d'une conférence on peut avoir 200 personnes. Mais autrement, n'est-ce pas, hein, dans nos associations, on n'est pas très nombreux. Comment on va le faire passer, ça? Comment on va construire ce savoir et pouvoir intervenir? Et je crois qu'on ne se rend pas compte que, comme Félix l'expliquait tout à l'heure, notre participation à des débats, le fait que de plus en plus il y ait de films qui mettent l'accent sur des points précis, hein, y compris des points de votre domaine, un peu vulgarisé quand même, hein, mais quand même de votre domaine, sur le fait qu'il y a des confrontations de différentes opinions, même si le nucléaire est toujours aussi... Et sauvons le climat, on les a eus, hein, pendant un temps dans nos réunions, y compris auprès d'associations très basiques, hein, pour le faire valoir. Bon, et ça n'a pas été facile de discuter non plus avec eux. Hein. Bon, mais ceci dit, ils ont, c'est important qu'ils disent aussi leurs sentiments. Moi, ma responsabilité dans l'association dans laquelle je suis, c'est comment faire, non pas pour ceux qui sont... les permanents qui sont compétents dans leur domaine, hein, mais comment faire que les adhérents puissent se dire on a droit à la parole. Je crois que c'est toi Lionel, mais c'est peut-être monsieur Jean-Michel qui l'a dit, je ne me souviens plus, sur le TCE. Ben alors là, ça a été épouvantable. Hein, épouvantable. Et j'ai un fils, excusez-moi de parler de la famille, hein, j'ai un fils qui est à l'INRA, qui était à fond pour le TCE, parce qu'il pensait, lui, qu'un traité, c'est toujours mieux que l'absence de traité. Hein, et que même si l'avancée n'était pas aussi importante qu'on le souhaitait, etc. Bon. Mais on a pris article par article. Et parce que j'ai quand même un petit peu d'habitude, hein, on a discuté, mais je ne sais pas, mais ça doit être entre 9 et 12 heures. Hein, et avec les éléments. Et tout d'un coup, il m'a dit, mais papa, on ne met pas le curseur au même endroit. Et j'ai trouvé que là, c'était une bonne, et ça rejoint le débat sur quel type de société on veut. À partir du moment où on choisit un type de société, effectivement, le curseur, il n'est pas au même endroit. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on puisse, enfin moi, que j'estime, que je dois pouvoir faire passer dans les rencontres ou dans les discussions qu'on puisse avoir, c'est de dire, vous avez le droit de dire qu'est-ce que vous voulez et où vous placez ce curseur. Mais on n'ira pas sur le champ, comme vous le disiez, de l'expertise proprement dit. Attendez, il faut quand même, ça se complexifie. Mais je crois que l'autre élément peut-être plus difficile aussi, c'est le fait que, en combien 20 ans, la mondialisation, l'information mondialisée nous a submergés. Et je crois que l'autre élément, c'est le recul et l'esprit critique. Parce que quand vous discutez avec des gens qui entendent différents points de vue, hein, on va reprendre encore Fukushima, bon, pour simplifier, hein, mais on pourrait prendre le médiateur, hein, pareil. Ils disent, mais de toute façon, on peut s'y à personne. Discuter avec les gens. La première réaction, c'est celle-là. Et quand vous dites après, ben non, c'est pas, on ne peut pas se fier à personne. Mais comment on fait? Je pense que je vous renvoie ça. C'est peut-être pas votre rôle, mais en tout cas, c'est le nôtre. Et en dernier lieu, alors là, moi, je vous remercie des débats qu'on peut avoir autour. Ces deux débats, ça m'a enchanté. Oui, non, je pense que effectivement, c'est une question que se posent enfin, les membres des associations ou même les actifs et très actifs. Et on souffre en France de cette vision de l'expert qui sait, qui est dans sa tour d'ivoire de laboratoire de science, de laboratoire, d'université, et de profane qui ne sait pas. S'il n'est pas passé par les bancs de la bonne école, s'il n'a pas le bon diplôme au cul, il ne sait pas. C'est pas vrai. Il y a un savoir. Les agriculteurs, ils n'ont pas attendu les progrès, la naissance de l'INRA pour savoir comment et où faire pousser telle et telle chose. Autrement, l'humanité, elle ne serait pas là. On ne serait pas là pour en discuter. Donc, il y a une certaine prise de confiance, de dédramatiser ce scientisme, cette rigueur à la raison qu'on porte. Moi, je pense qu'on porte quelque chose de très lourd du côté de Descartes. L'héritage cartésien est très fort, puisque je pense, donc je suis. Donc, si on ne m'a pas appris à penser, je ne sais pas penser, donc je ne suis rien. Et dans d'autres, ce que tu disais, dans d'autres pays, en Amérique du Sud ou même en Afrique, où il n'y a pas cet héritage lourd, et ben quelque part, ils s'en sortent mieux que nous. Et je vois en ce moment-là, on est en train de travailler, mon association, avec des gens qui fabriquent des différents types de fours dans des fourneaux pour aller dans les pays. Ils nous ont dit, Eureka, c'est ce qu'on cherchait pour avoir... Ils ont des intuitions, ils savent qu'ils doivent mettre de la cendre, et ils savent que des fois s'ils en mettent pas, si on met à moitié, ça marche tout aussi bien, mais ils savent pas pourquoi, ils voudraient juste théoriser. Mais le savoir, l'expérimentation, le savoir, ils l'ont pas théorisé. Et c'est juste de faire le lien entre les deux, de construire ensemble la question, et les scientifiques, ils savent pas répondre non plus comme ça à la question que posent les associations, qui sont beaucoup plus compliquées, et ça les intéresse. C'est pas brider la recherche que de la faire s'intéresser au monde réel, c'est au contraire ouvrir des vraies possibilités. Mais il y a le travail d'aller-retour et de faire se comprendre ces deux mondes. Voilà, il y a de la moulinette à passer, quoi. Ouais, ça me fait penser à quelque chose, là. Un bouquin que j'ai lu il y a un an ou deux, dont un ami m'avait parlé, et qui en fait a été une vraie claque en fait, en tant qu'acteur d'éducation populaire visant à l'émancipation de l'individu et du collectif, qui s'appelle « Le savoir réel de l'homme moderne », qui a été écrit en 1991 par Roger Giraud aux éditions PUF. Et Roger Giraud, il dit, mais pour vivre aujourd'hui, de quel type de savoir les gens ont besoin dans leur métier, dans leur vie collective? Quels sont les savoirs qu'ils mobilisent pour vivre? Selon les critères qu'on utilise, entre 11 et 30% des habitants de France peuvent être considérés comme aujourd'hui illettrés. Comment se fait-il? Est-ce qu'on peut vraiment vivre en étant illettré dans le pays? Ben, la réponse est oui. Est-ce qu'on peut vivre dans le pays en n'ayant aucune conscience politique, ni citoyenne, ni désir? Ben, la réponse est oui. Et il dit, en définitive, par rapport au type de société dans lequel on est, il n'est pas non plus surprenant de voir que toi, par exemple, et nous, collectivement, on est confrontés parfois un désintérêt complet par rapport aux problématiques qu'on aborde, parce que dans la vie du travailleur, dans la vie d'eux, ben, c'est complètement inutile. Donc l'enjeu dans lequel on se situe, c'est de quel type, quelles sont les préoccupations des travailleurs, des secteurs, des ouvriers, des ingénieurs, quelles sont vraiment les questions qui leur sont posées dans leur vie, de famille, dans leur métier, et à travers ça, quelle pelote de laine on peut faire pour dire, est-ce qu'à l'intérieur, il y a un rapport au savoir à discuter, à travailler, à améliorer pour que la personne vive mieux dans son environnement. Et ça, c'est pas si évident, parce que la vision qui consiste à dire que plus on est cultivé, au sens aristocratique du terme, mieux on vit en collectivité, eh bien, c'est pas ce que les gens observent dans le réel. Bon. Et ça, c'est un vrai problème qui nous est posé, c'est que la majorité de nos concitoyens peuvent tout à fait bien vivre sans avoir le foutrement de début du commencement d'une idée sur c'est quoi les enjeux de la physique aujourd'hui, de la chimie, des enjeux de la future politique énergétique. On peut vivre sans s'intéresser à ça. Et quand il y a une catastrophe, là, ce n'est pas la même chose. Bon. Donc, il y a la prévention des risques, etc., qui permet de mobiliser des savoirs. Donc, aujourd'hui, je pense que, contrairement à quelques copains de Sciences Citoyennes, je pense que par rapport au type d'administration d'État qu'on a en France, la Commission nationale du débat public a été une vraie avancée par rapport au type de débat que les hauts fonctionnaires ont avec les acteurs sociaux, parce qu'avant la loi de 95 de Barnier, ce n'était pas possible d'avoir des discussions instituées, pacifiées, pour dire on n'est pas d'accord sur le type d'autoroute, de déchetterie à construire, et que la CNDP a permis d'enjoindre la haute fonction publique de discuter avec le corps social. Avant ça, ce n'était pas possible. Donc je pense que, du point de vue, mettons-nous du point de vue d'un haut fonctionnaire des ponts ou des mines, avant 95, il n'est pas tenu de. Après 95, il faut, il doit. C'est comme ça. Et pour un fonctionnaire, la question de l'injonction est quand même importante. Bon. Prenons le cas que dit Mathieu Calame dans son bouquin. Dans le contrat de vente d'un terrain en Allemagne, la qualité du sol est un indicateur qui est inscrit dans le contrat de vente. Donc, et le vendeur et l'acheteur sont tenus de discuter la qualité du sol pour savoir quelle est la valeur du sol. Donc la valeur du sol est un élément fondamental de la vente d'un bien foncier. Et bien, je vous garantis que cette loi-là, eh bien, aimer et celui qui vend son terrain dans une situation, il vaut mieux que son terrain ait la meilleure qualité podologique possible et la meilleure qualité organique du sol. En France, on n'a pas de telle loi. Alors, on voit bien que la qualité de prescription d'une politique publique peut jouer sur le quotidien des habitants. Quand on dit que la valeur du sol, dans sa richesse organique, est un élément de la valeur du sol quand on va le vendre, mais le mec, il n'a pas envie que dans 35 ans, sa terre ne vaille rien du tout. Il va prévenir les problèmes. Et il va se mobiliser parce que pour lui, sur sa terre, ça pose un souci. On le voit par exemple quand on veut vendre une maison secondaire et que le paysage est moins bon que quand on l'a acheté, c'est une appréciation de la valeur du bien. Donc les habitants vont se mobiliser pour que le paysage fasse partie des politiques publiques agricoles, etc. Donc c'est tous des ressorts qu'on ne perçoit pas au début, qu'on théorise rétrospectivement, qui sont des éléments de mobilisation des habitants qui permettent de s'appuyer dessus pour dire mais quel type d'agriculture vous voulez près de chez vous. Parce que si vous êtes à côté d'une porcherie, qui épand du lisier et qui va faire que votre eau est imbuvable, mais votre baraque, elle vaut moins cher. Donc les habitants se mobilisent. Donc il faut aussi jouer sur des ressorts citoyens pour dire ça va peser sur le type de recherche qu'on va mener et c'est bien. C'est bien d'avoir une recherche intégrative sur la qualité des sols. Par exemple, prenons le cas allemand. Mais sur la question du rapport du savoir réel de l'homme moderne, c'est pour nous une vraie question en tant que mouvement d'éducation populaire parce que dans notre vision du citoyen parfait, qui doit s'intéresser à tout et avoir un avis sur tout pour être le citoyen tel qu'on le rêve dans les livres de la Révolution française, mais aujourd'hui, ce n'est pas opératoire et ce n'est pas effectif. Et ce n'est pas comme ça qu'on y arrive. Donc les registres de mobilisation, d'action, qui vont faire que c'est là-dessus qu'on va avancer collectivement, il faut aussi avoir un peu plus d'attention à la demande sociale, à l'arrêté des habitants. Et quand on est Oxfam, par exemple, je pense que pour regarder Oxfam de l'extérieur, je pense que le type de métier qui sont les métiers d'Oxfam, d'une ONG qui fait du plaidoyer et de l'expertise, sous le développement par exemple, je pense que la question de quel type de développement, quel rapport aux chercheurs, pour quel type de recherche permettant de mieux discuter, je ne sais pas moi, tout ce qui vous intéresse sur vos problématiques, je pense que les types de métiers à construire dans Oxfam sont des registres très importants d'évolution de l'association et de l'ONG et d'un rapport au savoir qui est un rapport au savoir beaucoup plus mature et construit parce qu'on peut très bien se satisfaire d'une ONG Oxfam qui est un bureau d'expertise avec 25 salariés à l'intérieur qui sont super compétents en apparence et qui produisent un rapport de savoir déconnecté de la base sociale du mouvement. Et cet enjeu-là est un enjeu politique majeur pour dire quels sont les types de métiers qui doivent être ceux d'Oxfam dans les 15 ou 20 ans à venir par rapport au mouvement lui-même et par rapport à son rapport au savoir, aux chercheurs, etc. Là, ça va toucher ta bureaucratie et ton appareil bureaucratique d'Oxfam et ça va toucher tes militants. Et à mon avis, là, il y a des ressorts qui concernent le métier du gars et qui concernent ton engagement personnel. Et je pense que là-dessus, en faisant quelques mois de travail, ça doit devenir un enjeu de prospective pour le mouvement, pas anecdotique.